t'es une fille bien maintenant. Un truc frais. Moi, je veux bien une bière. Mais après, bon, je bois un verre, hein, de vin. Mais c'est je préfère le vin que la bière. On partage une grande bière, là. Ouais. Ouais. Bah, et toi, tu veux quoi? Ce que vous prenez. Il y a de l'argent qui circule quand même. Bah ouais, enfin, on donne ce qu'on veut. De toute façon, pour la bière, on peut pas faire grand chose. Hein. Quand il y en a plus sur la table, ouais, ouais, on est obligé d'aller là-bas.